bord du brouillard, un tempo jazzy dans la nuit, un vieil air de Charlie Parker l'éloignait de ses rêveries. C'était comme un peu de lumière.